à la porte. Non, y'a rien de nouveau. La prestance de roi, c'est la vérité. On ne change pas l'âme du guerrier. On me repère la night, lumière éteinte ou pas. Brillance incroyable, la tête au soulier. Tapine, tapine, faut me laisser. Tapine, tapine, m'ambiance. L'onte sera remarqué comme un char d'assaut. Tapine, tu sais le faire à chacun son créneau. Je suis un guerrier, ventou, guerrier, ventou, guerrier, guerrier, ventou, guerrier, ventou, guerrier, guerrier. Bantou, guerrier, bantou, guerrier, guerrier, bantou, guerrier, bantou, guerrier. Bantou, bantou, la mélodie nous envoie en route. Trop de charisme nous en route. On voit du bien dans tout, dans tout. Bantou, bantou, la mélodie nous envoie en route. Trop de charisme nous en route. On voit du bien dans tout, dans tout. L'esprit d'une guerrière, je ne fonde jamais dans la masse. Quand je suis parmi eux, le regard en terre. La chaleur d'Afrique dans le cœur, je ne suis pas frileuse. Regarde ce sur un pied, je t'ai ma biature de basque, de cheerleaders. Ça brille même dans la misère, les cuirs dorés aux tenues de façon litigieuse. 200 chevaux tirent la calèche, les mettais gang étincelles sur ma bannière, ouais. Rejoins pas ma table, y'aura ma lèse. Pas plus létal qu'une femme en tout vénère. De les guerrières, je ne fonds jamais dans la masse. Quand je suis parmi eux, le regard en terre. La chaleur d'Afrique dans le cœur, je ne suis pas frileuse. Guerrière,